Merci Mike de me passer le relais, j'ai les clés du studio et de la maison Fadjet, tout va bien. On te retrouve mercredi prochain, même endroit et même heure sur Fadjet. Belle soirée à toi. Allez les amis, des invités nous attendent, on perd pas de temps, générique, Emeric. Musique live avec Théo. Tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois 20h sur Fadjet. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Fadjet, si vous nous rejoignez pour une nouvelle édition de Musique Live. Pas de 20h ce soir, mais je sais que vous êtes nombreux à nous écouter parce qu'on a la chance et le plaisir de recevoir des invités qui ont un petit peu de temps à nous accorder dans un planning hyper booké en ce moment. Ils sont trois, ils sont de Nancy, ils sortent fin mai leur premier album, 11 titres. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir le groupe le plus tendance de la scène nancyenne et de la grande région actuellement, les Johnny Jungle. Salut les gars, bienvenue dans Music Live. Salut Lionel. Alors, je vous propose déjà de vous présenter un par un, qui est qui fait quoi dans le band. Alors, je commence. Bonjour à tous, ici Victor Pirel, le bassiste du groupe Johnny Jungle. Moi, c'est Adrien Pellegrin et je suis le chanteur et batteur du groupe. Moi, c'est Gauthier Sklarsik, je suis le guitariste du groupe. D'accord. Pouvez-vous me présenter aux auditeurs un peu plus et individuellement pour nous raconter un peu votre parcours perso, comment vous êtes tombé dans la marmite de la musique et votre progression avant de nous rencontrer? Ouais, carrément, carrément. Ouais. Je vais laisser peut-être monsieur Sklarsik. Bah écoutez, voilà, j'ai pour ma part un petit diplôme d'architecte d'intérieur, donc finalement l'art musical, l'art graphique sont des choses qui me sont tombées dessus assez jeune, et donc ceci étant, j'en ai fait mon métier puisque ça fait une dizaine d'années maintenant que je bosse dans l'architecture d'intérieur. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir ma propre société dans laquelle j'exerce, et puis à côté de ça, bien, je fais de la musique avec ces deux joyeux lurons. Voilà. Et l'architecture intérieure, c'est sympa, c'est pour la déco sur scène. Ben absolument, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore le budget de le mettre en œuvre, mais j'espère qu'on va pouvoir un de ces jours. Ok, l'équipe, tout ça aussi. Alors, l'équipe, pareil, on en a fait un pour l'instant qui a été fait avec en partenariat, on en reparlera juste après. Ouais. Donc, j'en dis pas trop, mais c'est pas exactement nous qui avons fait la direction artistique pour D'accord. Bon, enfin, t'as du goût, donc t'as quand même quelques idées là-dessus. Peut-être. Peut-être, c'est pas sûr. Ensuite. Eh ben, moi, pour suivre avec l'idée de scénographie, moi, c'est le graphiste du groupe. J'ai fait des études de graphisme, ce qui me permet là de gérer le logo, tout ce qu'il faut pour toutes les vidéos sur YouTube, etc., tous les réseaux. Et du coup, moi, ouais, j'ai commencé la batterie à l'âge de 11 ans. J'ai eu plusieurs formations musicales, que ce soit du hip-hop ou même d'autres groupes où je faisais du chant et de la guitare. Et me voilà dans ce trio en train de faire de la batterie et du chant, du coup, les deux en même temps. D'accord. C'est pour ça qu'il est aussi bien le site. Ouais, c'est ça, carrément. C'est carré. Ça aide. Bon, et le troisième? Alors, moi, j'ai commencé la musique assez jeune, finalement, au conservatoire de Nancy. J'ai fait du violoncelle pendant une petite dizaine d'années, 8 ans. Ensuite, j'ai arrêté quand je suis arrivé en seconde. J'ai fait de la basse pour mon premier groupe, donc Jazz Crew. On était 11 sur scène. C'était une sorte de petit big band. C'était cool. Et chemin faisant, j'ai toujours gardé l'aspect musical dans ma vie. C'est quelque chose de très important pour moi. J'ai fait des études, voilà, aussi. Pour dire, exactement, dans l'environnement, parce que c'est quelque chose qui me touche aussi. Et voilà, j'ai rencontré les copains il y a 3 ans maintenant, 4 ans. Et voilà, on a lancé notre groupe de musique. Je suis pas si vieux que ça. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Allez, avant d'aller plus loin, on va écouter un premier titre de votre premier EP, In My Face. C'est parti. It's my fate, go on the air, why got to say? In my face, everything to say. It's my fate, go on the air, why got to say? Thank you. Johnny Jungle. Avant l'émission, et là on vient d'en parler juste avant la chanson, vous me disiez que vous étiez connu en 2022. Racontez-nous ça et l'idée de projet de monter un groupe. Très intéressant. Bien, en fait, on se connaît depuis un petit peu avant 2022, en tout cas avec Adrien. C'est vrai que Victor, on l'a découvert vraiment dans le cadre du groupe. Avec Adrien, on se connaissait avant, puisqu'on a fait la même école. Même si c'était à quelques années d'écart, on s'était quand même croisés, on avait des amis en commun, etc. Donc le vrai terreau de notre rencontre était l'école. Mais en fait, on s'était perdu de vue. D'ailleurs, on avait fait une première fête de la musique ensemble. Ouais, c'est vrai, on n'avait jamais ensemble. Ouais. Et on avait déjà eu un petit coup de cœur de « putain, ça, il se passe un truc ensemble ». Et on n'avait pas eu ni le temps ni l'occasion de mettre en œuvre finalement une suite à ça. Et puis on y est revenu en fait, on s'est retrouvés 4 ans plus tard. Et on s'est dit, viens, en fait, on fait un truc. Et il m'a dit, je connais un mec qui fait de la basse. Et il m'a ramené le Victor. Et voilà, et on s'est mis à jouer. Ouais, moi, j'avais mon projet hip-hop, donc un truc assez solitaire. Donc je faisais mes propres prods à la maison, hip-hop et tout. Donc c'est un truc où c'était un petit peu solitaire, comme un rat de laboratoire derrière son ordinateur. Et Victor m'avait vu en concert. Il était droit devant moi. Après le concert, il m'avait dit, c'était trop bien ce que t'as fait, j'adore la vibe et tout. Et au final... Ça s'est fait comme ça. Victor, il a rejoint. Moi, évidemment, je pensais à lui quand il m'a dit bassiste. Moi, j'ai pensé à Victor direct, qui m'avait dit si tu veux, je rejoins un projet avec grand plaisir. Et il y avait cette volonté de sortir de la solitude de la MAO, là, et puis de ressortir les instruments et de jouer en groupe, quoi. Vraiment, ça me manquait. Donc j'ai dégainé le téléphone, et à ce moment-là, Gauthier m'a dit bah, c'est marrant parce que je comptais raccrocher un petit peu le. C'est tout à fait vrai. C'est ça, hein, c'est ça qu'il m'a dit. Oui, parce que, en fait, on va laisser aussi Victor s'exprimer dessus, mais juste pour conclure cette rencontre, c'est qu'avec Adrien, j'avais eu ce coup de cœur musical qu'on n'a pas pu mettre en œuvre tout de suite. Et en fait, moi, entre-temps, j'ai fait d'autres groupes et j'ai eu d'autres expériences. D'ailleurs, des groupes, j'en ai fait des caisses, mais ça n'a jamais vraiment donné grand-chose. Question de motivation, question d'envie, question d'agenda, enfin tout ça, classique. Et c'est vrai que c'était la dernière fois avant qu'Adrien m'appelle, donc, enfin qu'on se recontacte, je m'étais dit, ok, c'était la dernière fois, ça me saoule, j'en ai marre, j'arrête. Et en fait, Adrien me rappelle vraiment un ou deux jours après ça et me dit, mec, tu veux pas jouer? J'ai dit, si, je veux jouer. Et il m'a dit, j'ai un bassiste, on va faire de la musique. Ah bah voilà. Et Victor est arrivé. Alors, votre répertoire est surtout constitué de compos personnels, même sur scène, hein, y a pas trop de reprises. Ouais, non, on essaie de pas en mettre. Hein. Qui c'est qui fait les textes, les musiques? Pour les arrangements, c'est chacun dans son coin, puis on voit ça à la fin, il y a des consignes, comment on fait ça? Le processus de création, il est assez rigolo, parce que finalement, on en revient presque au début de notre rencontre. Même, on peut en revenir même à 2022, où finalement, on s'est rencontrés et on se voit à l'autre canal, on passe 2 heures ensemble et on jamme. On jamme, on rigole. Gauthier, il enregistre peut-être des trucs. Et puis la semaine suivante, on se dit, ah les gars, on se revoit. Et donc on se revoit, Gauthier, il était voilà, chez lui, il a eu une petite inspiration, il a eu deux chansons qui sont même sur le premier EP qu'on a fait. Donc dès la deuxième semaine où on se voit, Gauthier, il avait déjà des suites d'accords, des petites grilles, un etc. peu de matériel. Exactement. Donc il nous propose ça, et puis bah, avec Adrien, nous, on se pose dessus. Bon, vraiment, la basse, la batterie, et puis après Adrien, hop, il a une mélodie qui lui vient en tête, alors il commence à chanter, hop, et puis on enregistre tout. Gauthier, il enregistre tout le temps. Il fait un travail de fond qui est assez incroyable. Et derrière, pour les paroles, alors là, moi, c'est pas mon domaine du tout, c'est plus les copains et une personne extérieure qui nous aide beaucoup. D'accord. Kitty. Et voilà, en tout cas, pour vraiment l'instrumental, on va dire, il y a vraiment Gauthier qui amène un petit riff, et puis c'est vraiment des jams. Ouais, c'est on ça. Commence vraiment par des jams, et puis ensuite, après, il y a un morceau. Voilà. Alors, ça peut durer plus ou moins de temps, ça peut être plus ou moins long, mais... Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est ça qui est sympa un peu aussi, c'est que ça parle d'une spontanéité, même si c'est qu'une ligne. Avant tout, ouais. Et puis après, on travaille dessus, on brode, on cherche. C'est beaucoup de jam, hein. C'est beaucoup de jam. Ouais. Moi, j'essaie de trouver la mélodie, et ensuite, une fois qu'on a la mélodie et qu'on sait un petit peu où est-ce qu'on va, on travaille justement avec une personne qui s'appelle Camille Le Plumet, et qui, elle, sait très bien écrire en anglais. Donc, il y a tout un rapport d'échange où on écrit tous les deux, c'est ce qu'on appelle une ghostwriter, quoi. Ouais. Et on travaille ensemble pour faire le plus beau des textes à chaque fois, quoi, à chaque morceau. Ouais, super. Bon, allez, on s'écoute un deuxième titre, ça donne faim. Toujours du premier EP, Everywhere, et on se retrouve juste après. I'll hold you a trap. I can't seek it, it's often the angle. I can't move it and make it sharp. It's up to you, what shots will you make? It's all depend on the path you take. But be sure I see what you're doing. You fed up, but you still be going. No matter where you go, you know I'll be there. In every place, you're gonna see my face. You're gonna see my face. Sometime you lost and you know. to get in by expulsion. I will offer the best protection to go bring down your nightmares. Do it. No matter where you go, you know I'll be there. In every place, you're gonna see my faces. No matter where you go, you know I'll be there. You know it, know it, know it. Si vous nous rejoignez sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net, vous êtes dans l'émission Music Live, c'est Yo, et je suis en direct avec un groupe nancéen qui monte, les Johnny Jungle. On parlait de composition, alors tout est allé très vite avec l'inspiration au rendez-vous, puisque très vite vous êtes retrouvés sur quelques scènes dans différents endroits et bars de Nancy, et vous avez fait un premier EP. Et pour être ensuite vite repéré par l'autre canal où vous avez joué, c'est ça? Ouais, exact, ouais. On a fait partie de l'accompagnement, le premier accompagnement grand large de l'autre canal, où il y avait plusieurs sélections de groupes, et puis ouais, on est rentré là-dedans, parmi les 12, je crois, c'est sélectionné. On a fait partie de deux dispositifs à la suite. 12 et 8. Ouais, c'est ça, 12 et 8. Donc il y avait 4 dispositifs, on a coché 2 cas sur les 4. On n'a pas eu le lauréat, malheureusement, si je le voulais. Mais bravo, bon, à Ipon. Ouais, ouais, c'est ça. Et, mais par contre, ouais, ça nous a permis, ils nous ont booké ensuite sur la grande salle de l'autre canal, où on a joué en première partie d'Electro Deluxe, Sinclair, là, récemment. On a enchaîné avec plusieurs festivals, ce qui est bien cool, le Bon Moment, etc., des choses comme ça. Ouais, on voit tout ça sur votre YouTube. Ouais, on c'est voit ça. Quelques extraits. Ouais. Alors, 2022-2024, des petits concerts, plus grands à l'autre canal, parce que là, voilà, à l'IP, vous avez bossé. Hein. Ouais, on essaye. Après toutes ces aventures qui vous ont fait connaître plus largement, vous décidez de faire un second album à LP, cette fois qui sortira fin mai, une seconde expérience studio. Il y a un titre à cet album, et racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Merci. Eh bien oui, il a un titre, il s'appelle Subatomic Cosmic Strings, parce qu'on aime bien quand c'est compliqué. Et il parle globalement, en tout cas il parle de plein de choses, mais il parle surtout, il se centre sur les liens invisibles qui unissent un peu tout, c'est-à-dire quand on parle de liens invisibles, ça peut être l'amour qui unit les gens, ça peut être le temps, ça peut être finalement des fois le hasard, ça peut être la causalité, enfin toutes ces choses invisibles qui nous lient, et on a voulu en parler puisque je pense que même nous on est assez frappé par ces liens invisibles d'une certaine manière. On aime bien remarquer autour de nous qu'il y a des choses qui se passent comme si l'univers nous écoutait. Ouais. Et donc, de fait, on a axé la direction artistique sur l'univers. Donc la pochette, elle est très cosmique, littéralement. Ouais. Ça va avec le titre. Ouais, j'ai vu. Voilà. Les compos étaient déjà prêtes avant l'entrée en studio ou ça s'est fait aussi pendant les périodes d'enregistrement? Tout était prêt. Ouais, tout était prêt. On a fait faire un gros travail en amont quand même pour être le, au mieux préparé pour enregistrer. Ouais. Mais il y a quand même un truc à dire, c'est que ces deux zigotos là, ils jouent quand même, ils improvisent quand même beaucoup, même le jour du recording. C'est-à-dire qu'ils font trois prises, ils font trois prises différentes. D'accord. C'est pas mon cas, moi, en guitare, j'ai quelque chose de très... T'es carré. Bah, carré, c'est pas forcément le mot, parce que ça, c'est encore autre chose. C'est que moi, je vais être rassuré d'être sûr de ce que je vais jouer. Eux, ils sont en mode, vas-y, appuie sur rec, on verra ce qui se passe. Ouais. Et c'est très beau, parce que ça permet d'avoir vraiment de la marge de manœuvre au moment de l'enregistrement et de l'editing des morceaux. Oui. Donc il reste de la création malgré tout, même s'ils savent ce qu'ils vont faire en globalité, ils laissent une part à l'impro. Ouais. Ça c'est beau. On peut improviser tout en restant dans le cadre, sans aller chercher des trucs. C'est ça qu'ils font. Ok. Vous avez enregistré l'album, je le disais, à l'autre oreille à Metz. On pourrait peut-être en profiter pour leur faire un big up, parce que le résultat est vraiment, vraiment génial. Ouais, non, mais il est vraiment bien. Gros big up à Fabien Pilar et puis Julien Rosenberger. Qui a vraiment fait, ce sont les deux techniciens les qui deux ont techniciens travaillé. Là-bas, ouais, qui ont fait un travail monstre et qui ont été très patients. Parce que... oui. Excusez-moi les gars d'avance, excusez-moi. La V10, la V11. Mais ouais. On a demandé des petits détails jusqu'au bout pour être sûr que cet album-là soit le premier, soit top, quoi. Ouais, vraiment bien réalisé et d'une très bonne qualité. Sans indiscrétion, combien de jours de studio pour enregistrer un album? On a passé 6 ans. Ouais, 6 jours. Wow. 6 jours. Vous avez les moyens. 6 jours, ouais, on se titre en 6 jours, hein, c'est vrai. Il y en a des connus, c'est 3 jours, mais enfin, tout est mouliné. Hein, ils arrivent, ils chantent, ils repartent. Mais 6 jours, c'est déjà pas mal. Ouais, on se titre en 6 jours, ouais, c'est vrai que c'était du sport quand même. Hein, ouais, c'était ouais. Sportif. Et je crois qu'ils y croyaient pas du tout. Il me semble, Fab et Julien, au début, ils disaient, vous êtes sûr là, 6 jours, on se titre, vous allez y arriver. Ouais. Écoute, on s'est rentré et on a. Le premier EP, on était vraiment pile poil. On enregistrait encore à la dernière minute de notre temps imparti. Là, je trouve qu'on était un peu tranquille, quoi. Ça allait. Mais c'est vrai qu'il en fallait pas moins. Il fallait pas un jour de moins. C'était déjà l'autre oreille, le ouais, premier. C'est ouais. ça. C'est la deuxième fois qu'on va chez eux. On est fidèles et parce qu'on était vraiment contents de leur travail et de leur ambiance parce que il y a un mood quand on enregistre. Donc si on n'est pas à l'aise et qu'on a, je sais pas, qu'il y a une petite pression ou qu'il y a pas une ambiance qui est propice, je pense que ça peut poser problème. Là, on était top. Complètement. C'est bien de leur rendre hommage parce que il y a quand même peu de pros. Je parle de pro, hein, des studios amateurs, il y en a plein, mais qui se lancent dans ce genre d'opération-là. Et bah, c'est bien de savoir que ça existe et de le dire, ça permettra peut-être aussi à d'autres groupes, artistes, de se dire, tiens, je vais les appeler pour savoir ce que c'est. On recommande. Ils sont super. Ouais, on recommande carrément. Allez, on va écouter cette fois en live une exclue, une compo qui figure dans l'album qui sort donc dans quelques semaines, qui s'intitule, la chanson s'intitule Tonight We Go. Et on se retrouve juste après. The mountains, I know. Big and small, it'll make. track we tread, we go to the night we go. And if every night we break, we go to fight, we go. Shaking all the crowd and pray, we go to the night we go. Tried this game. Hello, a friend, no more. Can I bear to feel the pain of another broken home? Another pallid imitation. We keep both soul selling completion. Inky groove, power to the patient. Everywhere's climbing on the places. There's always crime on the assassin. Feels good, but feel my devotion. Yield in motion, with a crack from erosion. Sticks and stone, your faith then. I will steal you from your home damnation. I've already tried this game. Hello, old friend. The pain of another broken home. Confused and breathe on the ocean. Hear our cries over seas, over sky, over skyline. Yeah, join our cause, our motion, our cold. Join the crown, rally down the upload. With power, with patience, with love. With care, with within the above. Turn it to light, typical for us to see. A shine so bright, that's all maybe free. Come on. We go or down to go. We go tonight, we go. We go to fight, we go. We go tonight, we go. Et voilà, Johnny Jungle qui sont avec nous sur Fadjet ce soir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. J'ai oublié une question tout à l'heure, je vais vous la poser parce que c'est quand même rare. Vous avez été invité à participer en 2024 aussi, dans quelle année 2024, à participer à un concert lors des Jeux Olympiques. Racontez-nous tout ça. Ouais, carrément, on a été invité à jouer à la... sur la terrasse des Jeux Olympiques devant l'Hôtel de Ville de Paris en 2024. On a su qu'ils cherchaient des groupes. On a envoyé, comme à tous les bars et tous les festivals, le petit mail qui va bien, qui présente le groupe. Et on a été sélectionné par la ville de Paris pour pouvoir jouer là-bas. Donc, on a été étonné comme toi. On n'y croyait pas, mais en fait, on s'y retrouvait, quoi. Comme quoi, il y a des gens bien à la ville de Paris. C'est clair. On a même on peut venir faire de politique, quand même. On a même une lettre de remerciement de Madame Hidalgo, qui nous avait fait une lettre. Voilà, elle est collector, celle-là. Ah, elle est collector, je l'ai mis dans un cadre. Bon, alors, l'album que vous allez sortir il y a quelques semaines, là, c'est un album en financement participatif. Comme on le voit souvent aujourd'hui, et même chez des artistes réputés, car les maisons de disques sont frileuses, les producteurs aussi. Et là aussi, j'ai vu que cette opération s'était très bien passée. Enfin, ça continue encore, hein, pour ceux qui veulent. Vous aviez un budget prévu pour réaliser l'album ? Ouais, on a mis tout sur la table. On a calculé un petit peu tout ce qu'il nous fallait pour que ce soit l'enregistrement studio. On voulait faire des CD comme le premier EP, donc le pressage des CD, le pressage des vinyles, ouais. Le mastering et ainsi de suite. Et on arrive sur du merch, on arrive sur toutes sortes de choses comme ça. Et à la fin, quand on compte tout avec les trucs législatifs, juridiques, etc., on arrive à une somme rondelette. À une somme, ouais, à plus de 4 chiffres, quoi. Donc, 5 chiffres, hein. Ouais, on a 100 chiffres. On est à 10 000 comme ça, et on s'est dit dans tous les cas, bon, on les sortira d'une manière ou d'une autre parce qu'on a envie de faire ce projet-là, on a envie qu'il existe, on a envie de faire ce premier album en tant que tel, et on va fixer la limite à 5 000. Parce que si jamais on n'avait pas les 5 000, on n'aurait pas pu toucher. C'est comme ça que fonctionne le jeu aussi. Sûr. Donc on s'est dit 5 000, et au moins 5 000, ils ont remboursé 50% de tout ce qu'on a investi là-dedans. Et là, on est déjà, effectivement, on a explosé le truc, quoi, donc c'est super. Ouais. Mm-hmm. C'est super, ça va pouvoir améliorer aussi le quotidien pour les prochaines semaines, etc. On a pu rembourser les trucs, là on peut vraiment faire un concert qui suit digne de ce nom. Quoi. Donc comme quoi, les financements participatifs, ça peut marcher. Mais encore une fois, je dis, il y a un gros réseau derrière vous, plein de copains qui et de copines et qui relaient l'info je pense que ça a super bien marché. Et on les remercie chaleureusement d'ailleurs. Merci à tous. Toutes et d'ailleurs, tous. Vous allez les remercier encore plus puisque, donc si j'ai bien compris, c'est le 21. Je crois, si tu me parles du concert, on va tous les voir, c'est plutôt le 23. Ah, c'est le 23. Le 23. Ouais, le 23. Vous organisez un concert où vous invitez gratuitement ceux qui ont participé à ces deux financements, et puis tous les autres qui veulent venir vous voir, pas gratuitement, ils paieront une petite place quand même. Oui, hein, c'est malheureusement. Normal. Un petit 5 euros. C'est normal, voilà, 5 euros, pour le geste. C'est rien du tout. Et donc ça, c'est le 23, dites-nous tout. Le 23 mai, oui. À la brasserie des gros. Fabrique des gros. À la fabrique des gros. Ils font des bières, quoi, qu'il arrive. C'est vrai. Voilà. Les anciennes brasseries de Maxéville. Ouais, c'est ça. Et là, on se donne rendez-vous là-bas le 23 mai pour qu'on puisse tous s'amuser, projeter, montrer l'album, parce qu'on va jouer chaque musique de cet album dans l'ordre, un par un, histoire de bien montrer un petit peu tout ce fruit, tout ce travail. D'accord. Ouais. On reviendra sur une autre date qui est importante. Yeah. Et qui va concurrencer le biopic de Michael Jackson. Au moins. Voilà, attendons, on va écouter un autre titre qui s'appelle The Red Chicks, Les Joues Rouges. Pourquoi ce nom ? Qui est le responsable ? Parce qu'il faut... C'est un peu nous, mais c'est une manière de dire qu'il faut dépasser sa timidité, il faut se lancer, et qu'il faut aussi dépasser sa susceptibilité, tous ces trucs-là, quoi. Faut arrêter d'avoir peur, et puis il faut avancer. Ok, voilà une belle parole. Allez, on l'écoute, c'est parti. Just take a deep breath when you smile, the dance floor comes alive. death your music tonight. Stop the rhythm, let your heart ignite. Feel the chaos, feel it with pride. Push it, push aside, I'm here by your side. Before you know it, you'll be followed by the spotlight. So dance and now you're way. Let your hips sway, let the music play. Have it on your way. I've reeled your chicks, now you're getting it. D'ailleurs, une question. Le premier IP, on peut encore le trouver sur votre site, sur les plateformes? Sur toutes les plateformes. Premier EP disponible sur toutes les plateformes. Et puis, dans tous les cas, on en aura une paire avec nous à chaque concert. Donc, vous pouvez le procurer en direct. Voilà. Impeccable. Bon, maintenant, les gars, c'est à vous de bosser. Ah, moi, je me pose. En effet, dans Music Live, quand on reçoit nos invités, ils apportent avec eux une petite setlist de leurs artistes préférés et de titres qu'ils ont choisis, en nous expliquant avant chaque lancement pourquoi ils ont fait ce choix. Bon, vous êtes prêts? Ouais, moi, je me tais, et c'est à vous de jouer au programme. Je crois qu'il y a 4 titres. Allez, c'est parti. C'est qui commence? Moi, je commence, je veux bien. Ok, vas-y, balance. Tu peux balancer Maroon 5? Alors, pourquoi Maroon 5? Bien sûr, c'est très intéressant. Je pense que c'est un groupe qui est un peu sous-coté, je pense, par rapport à ce qu'il a accompli, notamment ce premier album qui était Song About Jane en 2002. Qui est pour moi un no-skip, comme on appelle ça. C'est-à-dire que c'est un album où, en fait, tu ne passes pas une seule musique. Quand tu le lances, tu écoutes tout. Parce que c'est vraiment, vraiment un truc en avance. C'est un son qui est très sexy, c'est un son qui est hyper groovy, qui a des très, très belles idées de mise en place musicale. Et franchement, on aime vraiment énormément, quoi. Donc, voilà. Supposed to be, you take my hand just to give it back. No other lover has ever. Ouais, vraiment un morceau de ouf. Ouais, bah là, j'ai envie de continuer avec Led Zeppelin, un morceau de Led Zeppelin qui s'appelle Heartbreaker. Pourquoi Led Zeppelin? Bah parce qu'on a tous écouté ça, je crois, des parents ou des autres. Juste, on les a enchaînés, on aime le groove qui balance. Et moi, ça me rappelle toujours le papa, quoi. Toujours. Le papa qui sourit en écoutant ça et qui balance le volume à fond, quoi. Donc c'est pour ça, Led Zeppelin. La nostalgie. Thank you. Hier. Yeah. Alors, c'est à moi de vous proposer un petit titre. On va partir en 91 avec les Red Hot Chili Peppers avec Give It Away. Donc, on a Flea à la basse, forcément. On vous a mis Flea parce que, bon, bah, il prend beaucoup de place à la basse. Moi, je prends beaucoup de place à la basse. Donc, il y a un petit truc qui revient. Et puis, on est vraiment sur du funk rock comme on aime. Un funk rock moderne qui mélange, voilà, du rap. C'est un son où il y a pas mal de rap et qu'on s'y retrouve pas mal avec Johnny Jungle. Bonne écoute. Jusqu'à 21h, c'est Music Live sur Fadjet. You pour le prochain, on avait pensé à un petit Anderson .Paak qui, pareil, en fait, est aussi bien une inspiration pour nous dans sa formation, puisque c'est lui qui chante et qui fait la batterie, donc comme Adrien. Donc il y a quelque chose là-dedans. Même si, on va dire, Adrien faisait déjà du chant et de la batterie avant même qu'Anderson .Paak soit connu. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne l'a pas attendu pour avoir l'idée, mais il y a ce truc où, en fait, le mec, il a un groove, il a un esprit, il a vraiment une musicalité et un flow, bien sûr. Le mec est trop stylé. Mais voilà, c'est de la fusion aussi, il mélange des styles. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Nous, on utilise de la soul, du blues, du rock, du hip-hop. Et vraiment, Anderson .Paak, il a vraiment ce truc de « je fais de la fusion et je me fiche pas forcément de si c'est déjà fait, si on peut le faire. » Voilà, il y va et ça, on adore. Y'all niggas got me hot. Excellent choix musical, les gars. Même si je découvre Anderson .Paak, c'est du grave qui groove bien. Et je crois qu'il a créé dernièrement un duo avec Bruno Mars. Je dis ça parce que Mars sera au Stade de France pour 3 dates au mois de juin. Il y a encore des places. Ouais. Ça se remplit doucement. Alors, on y va. Ouais, gros duo, gros duo. Bon, et mine de rien, Silk Sonic. Pardon ? Ça s'appelle Silk Sonic, leur duo. D'accord. C'est une tuerie. Oui, ça a l'air. J'ai écouté un petit extrait. Ça a l'air d'être décapant. Bon, mine de rien, je disais, on arrive à la dernière partie de l'émission. Le temps passe trop vite. Et si vous nous retrouvez, chers auditeurs de Fadjet, vous êtes sur Music Live et je suis avec le groupe Johnny Jungle. Alors à vous, les gars, maintenant, de nous donner vos actus, vos prochains concerts, une tournée qui commence, si j'ai bien vu ça. Et d'abord, le 21 mai, ou c'est ça? Ouais, bah, tu nous parlais d'actu, on va le faire. Allez. On vous invite tous le 23 mai à faire un gros concert de release. C'est vraiment le concert pour présenter l'album, le premier album qui vient là. Donc le 23 mai, rendez-vous à la Fabrique des Gros. Et on a rajouté à notre petite listing de 10 prochaines dates, on a retrouvé évidemment sur Instagram, hein, si vous tapez @JohnnyJungle, vous retrouverez toutes les dates. Mais on a un petit bonus où on sera au cinéma Caméo, Saint-Sébastien, le 21 mai, place assise, un truc un peu lunaire comme génial, ça. Ouais, ouais. On voulait que les gens écoutent vraiment tout le travail qu'on a fourni et puis se baignent vraiment dans l'univers, donc assis, c'est des places limitées. C'est toute l'histoire du cinéma, ça. Au départ, au cinéma, les premières bobines dans les années 1900, etc. Mm-hmm. Comme ça a duré très très peu de temps, il fallait quasiment un spectacle avant. Ouais. Donc il y avait les illusionnistes, des machins, des trucs de cirque ou de cabaret. Et puis il y avait toujours de la musique. Et puis après les films, bah, le cinéma s'est construit, etc. Ouais. Ça a duré plus longtemps. Donc on a réduit les frais. Et maintenant, même les cacahuètes, il faut aller les chercher à la caisse. Ah, c'est quand même chouette, le lieu il est fou quoi. C'est, on est assis, posé, bien, puis on regarde droit devant soi, donc c'est parfait pour un concert. Ah, je disais, la biopic de Jackson, elle va prendre un coup terrible. Ah, je pense, hein. J'espère qu'ils auront quand même quelques places quoi. Vendues. Les places sont très limitées. Oui, c'est vrai que c'est moins de 100 places, oui, pour le caméo. C'est, ouais, salle. C'est une, bah, 96 places la salle qu'on va investir. Et bon, c'est quand même, on est nancéens, on a un groupe de Nancy, on trouvait que un lieu aussi emblématique de Nancy serait, ouais, bien approprié pour cet album. Faut réserver au caméo, c'est en ligne. C'est en ligne. Rendez-vous sur Instagram Johnny Jungle et si, vous trouverez le site du caméo. Pas sûr, non. Je pense qu'on gère nous-mêmes la billetterie. Donc la seule billetterie sera disponible depuis notre page Insta, ouais. Sûrement sur le site aussi, mais Insta, il y aura tout dans les liens et ce sera la billetterie. C'est là où c'est nominatif. On paye en direct, on a notre place et à l'entrée on scanne quoi. Génial. Bon, tu disais il y a 10 dizaines de concerts de prévus. Vous démarrez une tournée, mais vous arrêtez plus. Allez-y, faites de la pub. Vous jouez où? Eh ben nous, ouais, on est bien obligé d'enchaîner les dates parce que c'est quand même notre métier, donc on en enchaîne, on fait que ça. Tous les ans, on va vous tartiner du Johnny Jungle dans les oreilles. Donc on est chaud patate. Et le prochain, par exemple, pour te donner une idée, le 29 mai, on joue au Festival Bon Moment à l'autre canal et on jouera avec un orchestre où il y a des sax, des cuivres, des trombones, des percussions, donc avec orchestre à l'école. Donc on est très très content de ça. Il y a la release toujours le 23 mai, je ne dirai jamais assez. Le 21 mai, du coup, deux jours avant, en avant-première au cinéma. Et des tonnes de petites dates encore. Dans tous les cas, Thionville, Baccarat. Ouais, oui, Baccarat, la ville de Baccarat. On renouvelle toutes les dates à chaque fois sur Instagram. Donc, Et puis s'il y en a qui vous écoutent là et qui veulent vous contacter via vos réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Vous redites Instagram, adresse mail. Ouais, bah, adresse mail, c'est johnnyjungleband@gmail.com, mais la plupart de l'épicentre de nos réseaux sociaux reste sur Instagram où on met Johnny Jungle, donc Johnny comme Johnny, Jungle comme Jungle, mais avec un A, donc J-A-N-G-L-E, tout attaché, et là on met vraiment toutes les informations, que ce soit le Ulule, les liens, la billetterie, etc. Les actus, tout. Tout. Okay. Pour les un peu plus vieux, on a aussi Facebook, n'hésitez pas. Facebook, ouais. Bien c'est sûr. Gentil, merci. Bon, je vais en sortir bien une avant la fin. Donc, les festivals, les endroits de concerts, les cafés musique, etc., qui veulent organiser des soirées, ils vous contactent, vous êtes dispo, et c'est parti c'est ça. Pour le plus longtemps possible. Avec plaisir. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Je voulais vraiment vous remercier tous les trois d'être venus dans Music Live. Merci à toi. Et pour la sortie de votre album et pour la petite discute qu'on a pu avoir, c'était quand même sympa. Moi, je peux vous prédire qu'il y en aura d'autres, des médias qui vont s'adresser à vous, à Nancy, dans le Grand Est de la France, parce que vraiment, votre album est vraiment très, très réussi pour l'avoir écouté en avant-première. Que sur scène, je vous ai vu déjà deux fois et que vous mettez le feu. Merci. Et toute génération confondue. Ouais, ouais. Bah, parce que ça rappelle forcément. Votre musique est très particulière parce qu'elle est aussi un mélange de différents styles de musique, comme vous l'expliquiez tout à l'heure à travers les morceaux qu'on a passés. Mm-hmm. Et du coup, ça sonne l'oreille à tout le monde, qu'il ait 20 balais ou qu'il en ait 60. Ouais. Voilà. Mais c'est riche. Et donc c'est vachement bien. Ça fait plaisir à entendre. Voilà, mais je le pense sincèrement, c'est pour ça que je vous ai invité, sinon. Merci. Merci beaucoup Lionel pour l'invitation. Si je n'aime pas, je ne les invite pas. Ça c'est du franc-parler. Tant mieux pour nous. Non, merci Lionel, c'est vraiment. Il y a Céline Dion qui me donne, mais non, j'en veux pas. Voilà. Bon, excusez-moi pour tous les auditeurs qui adorent Céline Dion. On l'adore d'ailleurs. On l'adore tous. Eh bien, encore merci pour votre participation et votre venue ici dans les studios de Fadjet. On va se quitter avec un dernier titre, une exclue de votre album qui s'appelle, la chanson s'appelle Who's Back. Who's Back. Who's Back. Car on revient avec un plus long format. Un nouveau projet, ouais. Voilà. Pour notre part, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Music Live. D'ici là, vous retrouverez l'émission en podcast, sur aussi le groupe Facebook pour les vieux, Music Live by Yo on Fadjet, et pour les jeunes sur les réseaux sociaux de nos chers invités. Instagram, ça. Yeah. Voilà, bonne soirée à tous, on se retrouve dans 15 jours et un dernier morceau avec les Johnny Jungle. Bonne soirée, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Ciao. Top of our dark tide, a wash from the state of our pride, a drift on warm winds we glide, a light our patience once denied. Electric will give beat to your senses, eclectic will connect from all horizons, magnetic will bolster your defenses, kinetic will sing to the sense rising. Who's back? Oh, me is a silver lining. Who's back? Oh, me is not getting slacky. Who's back? Oh, me is a silver lining. Who's back? Oh, me is not getting slacky. We're bound, you and us, to glorious rhythmic. Join your hands, join the beat with us. We're bound, you and us, bending indifferences. Join the band, we'll leave no one in the dust. We're bound, you and us, to make life more prismic. So come along, it's time to run. We're found, you and us, to push for excellence. We can all bask in a blazing sun. Who's back? Oh, me is the silver lining. Who's back? Oh, me is not getting slacky. Who's back? Oh, me is the silver lining. Back. Oh, me is not getting slack.